L'usine de serviettes de Haizhou de la province du Fang'e du Sud est inaugurée le 3 courant. Dans le service inaugural, on prépare les cadres concernés, le personnel de l'usine et des citadins de la ville. L'usine fabrique des serviettes de différentes espèces avec des matières premières et matériaux du pays, notamment les cartables.